Qui est prêt, gars? Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir les traceurs. Comment ça va? Salut, salut. Belle bonsoir. Belle bonsoir, Nessie, quoi de neuf? Ça va bien, Nessie? Bah ouais, t'as passé une bonne journée? Ouais, super. Ah ouais, t'es arrivé sur le tard, là. Le sport, m'a retenu. Ah, le crossfit. Comment ça va, Sabri? Ça va, ça explique la transpiration, Nessie. Ah, je me suis douché avant de venir, donc. Ah, maman, tu as couru après, alors? Ah non, même pas. Oui, oui, oui, il y a Keshi qui est avec nous aussi au standard. Salut Keshi! Ah ouais, il crie parce qu'il est bosse là. Le stagiaire de Keshi qui s'appelle Yoshi. Salut Yoshi! Yo, ça va? Et le stagiaire avec un micro, pas de soucis. C'est bizarre. On est dans le monde à l'envers. Le stagiaire a un micro, l'officiel n'a pas le micro. Tout va bien, il y a DJ Tijo Sound qui est avec nous aussi. Il est là. Ah, on t'entend pas. Tu as un micro? Vas-y, essaye. Yo. Hey, Tijo Sound, qu'est-ce que t'as prévu ce soir, toi? Mais du son. Du son. Ouais, du son du bendo ou pas? Ouais, c'est à moi. Ok, on verra ça tout à l'heure. Il y aura peut-être une petite chronique de Tijo. Il y aura de la Yoshistrophe aussi. On va parler de quoi dans la Yoshistrophe? On va parler de mon ex, figure-toi. Oui, parce que. Oh, y a qui ça? Ouais. Faut qu'on sache vraiment ce qu'elle t'a fait. Exactement. Ouais, on n'a pas eu le temps de développer hier. Ben, on voit ça dans un petit instant. D'ici là, c'est à Tijo qui est au platine sur Trace. Guyane, un coup de gueule, un délire. Le soir, exprime-toi librement au 0820 203 200. Dans Génération 97 sur Trace FM. Ça veut dire d'allier. Get 5 more minutes. Shit, I ain't really tripping over school. Let's get Wiz Khalifa high, yeah. Get meditated over medicated. Get Wiz Khalifa high, yeah. Throw your caps in the air like you know you I made it. I told moms I ain't tripping over school, cause I made it set. Boy, you got a son supposed to be his inspiration. Put a million in his bank account to leave him out of stake. And I'll never do him wrong like they did the operation. Took a nigga vision from him, was a motherfucker bet. Said a couple years later they could give it back to me. Take knowledge. Solid jusqu'à l'air, même en temps de zermi, via nous pépaterni, y'en a. It's all about you and me, pas qu'à goûter sans me, y'en nous garder pour des familles, y'en a. That's why me tell you say, girl. En panne et check pour la petite mamzelle avec elle, j'suis dans ma bulle ciel, couleur pastel. Yeah, balle en bagaille belle, girl. Il tourne fidèle, pas pour ce biscuit en sel. L'on va me barrer, attirance la mystique, limite surnaturelle. J'me sens pousser des ailes, y'a chaque grand homme. show some big bad DJ. Adi. I just changed. Pick up it just was the front gate. I thank God you came. How many more days could I wait? I made plans with you, and I won't let them fall through. I think I lie for you. I think I die for you. Jealousy cry for you. Do things when you want me to. Like controller, controller. Controller, controller, yeah. Okay, which one of them? Any man buy it up here, gunshot. I see a gunshot, please not do that. Them just a little bit, they wanna pull on up chat. We did a call, we did a call. Someone who did it when them burn up the t-shirt again. We did a call, we did a call. Boy sell out and bring somebody by them. We did a call, we did a call. Promos from the streets, they have me found. Il manque un monté, puis il n'y pas de fond. Puis il y a un ennemi qui a visé la top. Pour taper la frappe, pas visé à yot top. Mais puis red, là c'est de rester yot top. Faut rester yot top. Solide pour tout. L'argent est bifond, voilà ce qui doit être. Pas fait mon promesse, si c'est promesse en toc. Maman, au bout, comment y'a ces tocs? Arrêtez toi, y'a la gueule, son son son. Son son son. Avec la famille, nous qu'a lâché qu'est-ce. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient, ils veulent engranger. Car au début m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchon dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions. Génération 97, c'est DJ Tijo Sound. Somebody say! Ici, c'est la grande scène des auditeurs. Et on l'a même pas évoqué tout à l'heure, mais il manque toujours quelqu'un, hein. De qui tu parles? Mister Yannick, les gars, il est toujours pas là. Ah, mais ça fait tellement de temps qu'il est là que je l'ai pas vu. Vous avez eu des infos entre temps ou pas? Pas du tout. Oui, il y a une vidéo comme quoi il était à l'aéroport. Ouais, on vous a posté ça d'ailleurs sur le Facebook Trace FM et il dit quelque chose dans cette vidéo. J'avais mis le son. Ah, moi j'ai mis « Il dit adieu équipe ingrate ». Ah ben tu vois, il a raison. Le gars est parti sur nous. On a Caroline qui nous rejoint au standard. Salut Caroline. Allô, bonsoir. Allô Caro. Allô, bonsoir, désolé, j'entends pas bien. Bonsoir. Oui, comment salut. Vas-tu? T'as passé une bonne journée Caro? Ouais, tranquille, bonne journée et vous? Bon et ouais, super. Ça a été, apparemment tu as des informations qu'on n'a pas. Tu as vu Yannick à l'aéroport. Ah bon? Ouais, mais je crois que vous nous inquiétez comme à quel âge, hein. Donc je pense l'avoir vu à l'aéroport. Attends. On veut des informations fiables. Déjà, quel aéroport? Martinique, Guadeloupe, Guyane? Martinique. Ah, parce qu'hier, on a eu d'autres infos. Hier, on nous a dit qu'il était à l'aéroport de Guadeloupe, Paul Caraïbes. Bah, il est revenu sur la Martinique, voilà. Alors. Mais tu l'as vu quand? Aujourd'hui ou hier? Caroline. Alors, Caroline, elle avait envie de dire aujourd'hui, mais bon... Peut-être que Caroline avait un petit peu fatigué que ses journées sont chargées, peut-être que c'est attendez, ailleurs. Attendez. Comment ça tu as envie de dire? Tu penses l'avoir vu? Tu l'as vu quand? Allez, aujourd'hui. Aujourd'hui, à quelle heure? À quelle heure? Bon, je, après-midi, avant 16h. Il fallait que j'aille faire mon test à la crèche. Avant 16h. Avant 16h. Qu'est-ce que tu faisais à l'aéroport? Je croyais qu'on m'accrédait les affaires de Yannick. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Mais on vérifie quand même les sources, tu vois. Qu'est-ce que tu faisais à l'aéroport? Et on m'accrède tes affaires en même temps. Écoute, j'allais regarder le prix des billets. Comment? J'allais regarder le prix des billets. Mais non, pas couillonner nous. Il y a internet pour voir le prix des billets. Hein. J'allais chercher mon amant. Voilà. Ah, voilà. Non, moi je lui fais pas confiance. La chouche change de version à chaque question, frère. Ah, tu penses que... Pardon? Apparemment, il y a deux Carolines aussi. J'ai entendu. Caroline a envie de dire, mais Caroline va pas... Donc, je pense qu'il y a deux Carolines. Oh, tu te parles à toi-même des fois toute seule? Pardon? Est-ce que tu te parles à toi-même des fois toute seule? Je suis désolée, mais j'entends vraiment pas. Je est-ce pas que tu te parles à toi-même des fois toute seule quand il y a personne d'autre que toi dans la pièce? Ah non, moi jamais, hein. Quand on se parle, on est que toute seule, hein. Je suis Caroline. Je suis pas sûr que son témoignage soit recevable. Vous êtes combien dans ta tête, Caroline? Écoute, deux ça va, deux ça suffit. Vous êtes deux dans ta tête. Ça nous suffit pour qu'on ne... D'accord, tu vois. Des fois, je me dis des trucs et puis je me dis, mais non, mais quand même, Caro. Et puis là, je me dis, on est peut-être deux. Donc, laquelle de vous deux a vu Yannick? La Carole. La moi, Carole. Caroline. Ah d'accord, il y a Carole et Caroline. Ok. Exactement. D'accord. Non, Carole et Caroline, tu vois, c'est deux personnes, deux entités, deux différentes. Mais tu le vis bien, ça va, au quotidien? Comment? Est-ce que tu le vis bien? Ça te pose pas de problème? Bah, elle a l'air heureuse, hein. Mais peut-être que l'autre n'est pas heureuse. Ah. Ouais. C'est ça le truc. Bon, mais Caroline, on te laisse deux petites minutes, le temps que tu nous passes Carole, peut-être. D'ici là, il y a de la Yoshistrophe, Mr. Yoshi. Tu es ready? Oui, ready. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors, dans ma vie, il se passe que j'apprends des nouvelles. Très bon début de réponse. Oui, dans ma vie. On m'a toujours appris ça à l'école. Tu réponds la question pour répondre. Il se passe que. Ça aussi, c'était joli. C'est à propos de ton ex. À propos de mon ex, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, avec mon ex, ça n'allait plus. Mmh. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Jusqu'à ce qu'elle me fasse croire qu'elle était enceinte pour que je revienne. Aïe. Pour que je revienne avec elle. En tout cas, pour qu'il revienne en elle. Alors que tu n'avais toujours pas couché avec elle. Non, parce que des filles, elles sont fortes. Elles peuvent te dire, je suis enceinte alors que tu ne les as pas touchées. Exactement. Ça t'est arrivé? Oui. Comment ça, enfin, tu... Mais c'est terrible parce que en fait, elle était persuadée de me faire croire vraiment que je l'avais mise enceinte ou quoi, alors que ben. Tu croyais pas du tout en fait, toi. Ah ben, je connais quand même mes cours et j'ai un petit peu de bon sens, donc je sais que quand tu fais pas touche pipi, ben généralement t'as pas de bébé. Ah d'accord, donc il s'était rien passé du tout. Ah ben non. Elle avait peut-être rêvé très fort que ça s'était passé et c'est devenu la réalité, c'est possible, non? C'est possible, c'est possible, c'est une hypothèse. Tu as du pouvoir quand même, toi. Apparemment. Donc Yoshi. Ben par quelle opération du cet esprit que je ne connais pas. Ah donc toi non plus tu n'as rien fait avec elle. Si. Les gars, c'est quoi? Vous faites des rapports sexuels Bluetooth? C'est comment? C'est Wi-Fi, c'est quoi? Non mais en fait ce qui s'est passé, voilà en clair c'est ça. Elle m'a fait croire qu'elle était enceinte pour que je me remette en couple avec elle. Mais vous aviez bien couché ensemble? Oui. À peu près à la période où elle te dit qu'elle est tombée enceinte. Même pas. C'est ça que je comprends pas, c'est que même pas. D'accord. Bon, c'est grâce à ça que tu t'es pas fait avoir. Oui. C'est-à-dire que sur le coup, j'ai un moment de doute, je te cache pas. Mais après, tu sais, toi-même, tu commences à douter sur ce qui s'est vraiment passé et tu te remets en question. Et quand tu retraces les événements, tu te rends compte que les dates correspondent pas en fait. Est-ce qu'elle était vraiment enceinte du coup ou alors c'était juste c'était faux? Ah ça j'ai pas cherché à savoir. J'ai juste vu que les dates correspondaient pas. J'ai bloqué numéro, WhatsApp, Facebook, tout ça et puis. Ouais, bon, elle va te rappeler dans 8 mois de toute façon. J'espère pas. Tu sais, il y a des bébés qui arrivent en avance, il y a des bébés qui arrivent en retard. Pose-toi des questions quand même. Mais après, si elle a fait ça, c'est qu'elle est quand même attachée à toi toujours. Elle veut te récupérer. Oui, pour toi, t'as tiré une croix sur elle, tu veux plus du tout entendre parler d'elle. Non seulement j'ai tiré une croix sur elle, mais en plus j'estime que quand tu as un minimum de respect pour la personne que tu as en face de toi, si la personne veut partir, tu respectes sa décision et surtout tu n'inventes pas ce genre d'histoires qui sont graves quand même. C'est très grave. Ouais. C'est grave ouais, quand non, même. Mais c'est, on va pas faire comme si ça arrive rarement, c'est quand même un réflexe ouais. Féminin. Ouais mais ça n'a jamais fait rester personne, hein, bébé. Oui, hein. Ouais. Si. Si ça y a avant, des gens, y a, non mais non il y a des gens qui restent ou en tout cas tu restes dans les alentours en attendant de voir si le bout d'un grossit quoi. Tu restes mais pas longtemps. Pas longtemps. Même quand mais l'enfant c'est déjà naît, ça. Même quand un enfant naît, ça n'empêche pas certains mecs de partir. Hein. Ben ouais mais il y a certaines nanas qui continuent de croire et c'est pas pour autant. Et pourquoi est-ce qu'elles continuent alors? Alors. Parce qu'elles sont connes. Mais Nessie, toi t'as déjà utilisé cette technique là ou pas? Ben non. Pour récupérer pourquoi quelqu'un. Je fais ça. T'es jamais tombé enceinte alors que tu l'étais pas vraiment. Comment? Tu n'es jamais tombé enceinte alors que tu l'étais pas vraiment. Non, ni l'un ni l'autre. Hein. C'est... Tu n'as jamais fait ce coup-là à quelqu'un. Jamais. Mais tu es une fille parfaite, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Mais ça va venir. Donc Yoshi, toi si t'en parles ce soir à l'antenne, c'est que t'attends quelque chose, tu as une question à poser aux auditeurs, tu attends quoi? Mais en fait, j'attends surtout comment réagir dans ce genre de situation. Parce que moi, j'ai su me projeter. Enfin, j'ai su revenir sur les événements et voir que les dates correspondaient pas. Mais il y a sûrement des gens qui paniquent et qui savent pas quoi faire, ou même qui se retrouvent dans d'autres situations par rapport à ça, des menaces ou des choses comme ça. Donc ce serait plutôt en fait obtenir des conseils pour comment réagir dans ce genre de situation. Quelle est la bonne réaction à adopter? Je comprends le malaise parce que en fait, quand tu es dans ce genre de situation et que les dates correspondent, ben t'es gêné parce que tu vas pas demander est-ce que je peux faire un test de paternité, parce que ça veut dire en même temps t'assumes pas ton rôle de père, etc. Mais en même temps, si tu te fais avoir et que c'est pas toi le père, bah t'aurais bien été content de faire un test de paternité. Donc c'est un dilemme, enfin c'est une situation délicate. Ouais. Donc pour résumer, toi la réaction t'as eu, tu t'es braqué en fait, Yoshi. Ah, tu as supprimé son numéro braqué, et tout. Ah ouais, c'est système d'autodéfense, c'est non. Mais tu regrettes ou pas d'avoir eu cette réaction là? Non. Je regrette pas parce que. Ça aurait pu déboucher sur des choses beaucoup plus graves, je pense. Si j'avais pas mis un frein dans cette histoire-là d'emblée. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Ok, bah on va demander aux traceurs si ça leur est déjà arrivé. Hashtag G97, hashtag TraceFM, si vous avez des petits conseils qui pourraient aider Yoshi. Un petit coucou à Brandon qui se connecte avec nous, à Magical Chris également, et puis il y a Célia aussi qui est là. Bah bougez pas, on revient juste après ça sur Trace. Génération 97. 0820-203-200. Le soir. Appel. Salut. Et balance sur TraceFM. En ce moment, TraceFM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. Toute la journée, dès que tu entends ça. À la suite. Appelle-nous au 0820-203-200. Lance la trace roulette et repars avec ta paire de baskets Nike Air Max au pied. Plus d'infos, trace.fm. Paré pour la rentrée, t'inquiète, ça va aller. À condition de te procurer le forfait sapé, bailler, c'est faire. T'as SMS illimité et une heure pour appeler. Tu peux même surfer avec 500 mégaoctets. À partir de 9,99€ par mois. Pendant 6 mois, plus 14,99€ par mois. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas. Eh ouais, c'est nouveau et c'est posé. Forfait sapé, bailler, c'est faire, ça le fait. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre. Prix sans mobile avec engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Bye signifie par. Salut Kevin. Salut Léa. Alors, t'en es où de tes projets? Bof, rien, ça n'avance pas. Pourquoi tu ne vas pas te renseigner au RSMA? Au quoi? Au RSMA, le Régiment du Service Militaire Adapté de la Guadeloupe. Ce sont 30 formations pour 30 métiers qui embauchent. Peintre, maçon, secrétaire, conducteur d'engin, agent de sécurité, mécanicien. Comme moi, tu trouveras forcément ta voie. Et ça dure longtemps? Entre 6 et 12 mois, pendant lesquels tu es logé, rémunéré. Et à l'issue, j'ai trouvé un travail. Ils m'ont même fait passer mon permis gratuitement. Ah ça, c'est cool Léa. Je sais ce qu'il me reste à faire. Vous avez entre 18 et 25 ans. Chaque mois, le RSMA recrute en Guadeloupe.

pièces boîtes. Moi, pas qu'à te désespérer, woman. Mais juste le modèle, pas la parfait. Quand c'est fatigué, on y en a faute. Basse roule fois, téléphone à sonner. Donc, à changer aspect style. T'as gauche, jusqu'à changer moyen. Tout le genre des boîtes, c'est les presse folles. Faut que l'impression, tout pas t'es chèque, pièce control. À Paris, mon faute, si à Monzel qu'à control. Si Monzel qui arrive, fait, on fait du control. Relayez ça des têtes chaudes, relayez ça des hats cold. Mon gars, il y'a pas qu'à prendre pour pièce folle. À Paris, mon faute, si à Monzel qu'à control. Si moi c'est grave fait, on fait du control. Relayez ça des têtes chaudes, relayez ça des hats cold. Mon gars, il freine, y'a pas qu'à prendre pour pièce folle. A woman me love, ayez tout mon cas respect. Fait taper bon mon pack, elle essaye des jeux. Bless me every day. A chanter mon pack à bail biscuit. C'est un chiste qu'a dit. Donnez-vous ça, que God is my everything. My everything, my everything. Give a team, my everything. Depuis 5e 16. Le bon tweet à côté, la ta ta ta. Bang bang, boom boom, bidi bang bang. Pour son coup, y'a pour un ami, y'a pas qu'un monsieur. Bang bang, bang bang. Lève l'homme et y'a l'âge, pour j'ai faux dingue. Nous c'est des serres, là c'est où c'est un sereng. Pas paquet possible, l'ennemi des possible flingues. L'année après l'année, nous avancer. Mon Dieu, quand vous criez, ennemi criez, yeah. Une nuit de fois, tout seul en la nuit là. Nous attendons comme un chien aboyer. Alors que pièces au pavé. Donnez-vous ça que God is my everything. My everything, give a key, my everything. Depuis 5e 16. Et tous les jours mon cabono, et tous les jours mon cabono. Un ami la cadette, le massif la même capoulo. Sac à frisque et de les femmes, yo même capoulo. Son misé, bonhomme, yeah, bonhomme, yeah, bonhomme, yeah. Yo caniba, que la yo mani ou pas, que la yo. Jalousie, hypocrisie, c'est des gros problèmes. Le poison, ka vini pas, le nous ka casser. Ou le nous, avec aucun femme, nous ensuite, je la ka poser. Donc à mon dédo, pourquoi c'est pas, donc il qu'est explosé. On y réponse à toute question que donc est posé. Tout est qu'à arrêter, pas qu'est là, on veut plus garder, fait ça, on veut pas c'est qu'un vex qu'on est posé. Tout ça, que Pouba mole la mouka flask et mon girl. Tout ça savait qu'il y a nos car around the world. Pouba mole la mouka flask et mon girl. Caribbean girl, à nos car like the world. Fresh, kota mains un peu. Bad girl, kabayo mal tête. Dis qu'à mal parler, mais nous pièces font l'aïe. Et si on est suspect, qu'on ka represent girl. Yo, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang y biche on point. Caribbean girl, à nos car around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gangster. Bambi, à sa qui ka pété yo tête non-stop. Mon toujours ka vini que de different sap. Chaque son, mon ka sorti ka baye different tap. Gan foki. Pouba mole la mouka flask et mon girl. Tout ça savait qu'il y a nos car around the world. Pouba mole la mouka flask et mon girl. Caribbean girl, à nos car like the world. Fresh, kota mains un peu. Bad girl, ka baye mal tête. Jeez, ka mal palé, mais nous pièces pon la yé. Si yo des suspects, pouka represent girl, girl. All in my chat and all in my one. When you ma mention your name, I think all. All in my chat and all in my one. When you ma mention your name, I think all. Girl, you know sweet. Cause I look good at it, girl, you know nice. Me have to talk it twice, girl, you know sweet. Cause I look good at it, girl, you know nice. Me have to talk it twice. 1, 2, 3 until Lulu. 4, 5, 6 until Lulu. 7, 8, 9 until. Girl, you know sweet. Because I look good at it, girl, girl, you know nice. Girl, you know the pony printer. Quand elle monte dans la bouffe, je claque des doigts, enfin une peu bois. Coupe de champagne, bébé, tout en toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi, ses fesses sur moi font pas. Elle suit le son. Ah, ça donne son, son, son. Bon, bon, bon. is a boy, what I tell me what to win the fuck, but on them, on them, I upon them, I upon them, tell me what to need to win the hand, them, I upon them, big teams a boy, what I tell me what to win the fuck, son. Girl, belly bag over like shirt. One bag of flap, them need some hard work. Big butt and big gut, girl, that no work. I mean, not even smile, not smirk. You fit take care of yourself, girl, know what you're worth. Your belly nothing look like, say you are give birth. Your foot favor, broomstick, no real skirt. Me girl, muckle, muckle, you no shape like the earth. Walk outside, choose another daddy. Muckle pan a girl, your belly flat like mommy. You're cute and sexy, broke up like mommy. Are you in suck your mother judge, suck your mother jura. Suck your mother fed, suck your mother bura. Any boy this man a get murder. Any boy make a step now, step further. Me no care where your pussy hole come from. Anybody can dead, every man a gunman. Me no want hear about your blood clad and rifle in a me land, gun over jump on. Hear me Jeno, yeah, listen to me now. From a boy violate gunshot, me follow. Fly your marrow, me show in a barrow. SK we a bus and we take them follow. So suck your mother, we bust no bumbo. Make your dumb gunshot like a hot wings combo. We not stick fly like one of them jumbo. Des gens voyant femme coussa, belle coin étoile là qui ca filé. Combien fois là j'aime pas pour ça. Nous c'est dit Cupido c'est moi qui t'ai ca visé. En pâté gens ouais puissance dans mou. Nous c'est dit en séant jouer que ou ca guidé. En pâté gens ouais mais coussa. A seulement baby gal n'en veut pas quitter. Gal ou fait mais si vous mais si notre joue affection qui comblé. Dis l'homme gal dis moi oui y'a des faux l'homme. Gal ou fait mais si vous noyé, en tapette moyen, les envoie approcher. J'ai toujours dit mais que personne n'est parfait. Car lorsque je t'ai vu, j'ai compris que c'est pas vrai. Une couleur or tu es, la source de vie, mon diamant tu es. Celle qui me donne des ailes, la source ma vie, ma reine. Une couleur or tu es, la source de vie, mon diamant tu es. Celle qui me donne des ailes, ma vie, ma princesse, ma reine. Step out production. Girl, make your body do the thing them when me love sin. Position like you are invite me. Conscience, alongside Chris. This one can make your mistake. Chris. Intérieur moins de 18 ans. Un TV prend une cool, mais fais ça en toi au camp. Caille, j'en bite la bombe, on fait bon. Toujours masqué le café, travail la pétante. Voyez les fesses monter tout là-haut, là-haut. Voyez les fesses monter tout là-haut, là-haut. Mais y'a tes fesses en l'air tout là-haut. Mais y'a tes fesses en l'air. Qui visite place là-bas, pap, qui plaît comme un tac, d'accord. J'avoue que les fesses, bad, bad, dynamique, ma chacol. C'est un bon bouc, d'accord. Mais café, cow, tac. Surtout les fesses, cafon, tu frappes ça, pa, pa. Caille, j'en bade. Léo gade, pite en la corbeco, ça va bon d'amate, voyez mon tête, ok mon tri ou qui j'en m'a capé. Tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Mais tout paré pour que Pyroman basse autant à Gamofing. Mais c'est mesdames, parce que ça va des pour que l'homme paille pas à Gamofing. Mais c'est mesdames, mais tout paré pour que le milito basse autant à Gamofing. Mais c'est mesdames, est-ce que ça va des pour que Amirality basse à Gamofing. Le mix rap, respect that, the area real black. Ça qui pas connaître, y'a pas connaître en patate. Show him respect, everybody boss a shot. Lord have mercy, bang chabon. Bien nouvelle génération, bang chabon. Ni bon ambition, bang chabon. Meilleure nouvelle génération, bang chabon. Reste tout pour n'en parler pour l'ébullition, bang chabon. Meilleure nouvelle génération, bang chabon. Ni jeune qui ni bon ambition, bang chabon. Meilleure nouvelle génération, bang chabon. Nous venons mettre ça en condition. Nous gardons les sangles classiques, nous dans la lente. Sa maman, sa papa, comme moi et à mon bagaton. Ma bébé, ni respect, pas les MC qui a fait nos lobes. C'était pour ça, pour y'a tant, tant qu'ils font des chansons. La même fata, la panini, j'ai mon la paquet, ni power black. La massive, la gamme, ne l'aide ou même pas qu'à foutre la. Sa honey, face à DJ Tijo Sound au platine. Vous réclamez ce que vous voulez, 0820-203-200 également. Ouais, tu pull up ça pour nous. Allo, ouais. Génération 9-7. La libre antenne des auditeurs. La parole. Tout à l'heure, on va appeler dans le Hey Baby Allo. Il y a du calage qui va nous rejoindre tout à l'heure. Oui, qu'est-ce que tu me dis, Tijo? Mais parle-le jusqu'au jour. Kalash, quand on appelle avec la voix de Kalash, ça donne ça. Des fois, c'est plutôt vulgaire. Allô. Oui, mon client bouclier, j'ai oublié ce mot-là. Allô. C'est toujours ton numéro. Complètement, mon. Oui. Un autre Hey Baby Allô tout à l'heure. Et d'ailleurs, Kalash, on va en parler aussi dans les Breaking News dans un petit instant. Mais d'ici là, est-ce que vous avez vu la vidéo du combat dans le fast-food, là? Oui. C'est pourquoi qu'elles sont battues? Pour du poulet? Ou des tenders? Ah ouais, carrément. Je sais pas, non, je dis ça au hasard, mais ça doit sûrement être des tenders. D'accord. Attends, c'est délicieux, c'est la meilleure. Tu as les meilleures informations que nous. On vous poste la vidéo évidemment sur le Facebook Trace FM, le Facebook Génération 97 aussi. Mais vous avez pas plus d'infos que ça? Oui, alors, c'était un combat entre deux jeunes demoiselles. On m'a dit, apparemment, c'était des filles. Mm-hmm. Et elles étaient très fâchées. Alors, la première a voulu voler le poulet, la deuxième n'a pas accepté que tu lui voles le poulet. Elle a sauté sur l'autre. Elles se sont, comme on dit, volées dans les plumes. Mmh. Oh. C'est fin, c'est fin. Moi, le mec qui a filmé m'a fait carrément délirer avec son dur. Attention à la vitre. Parce qu'il y avait une vitre entre les deux. Mais juste, faut arrêter les filles du poulet. Mais c'est trop cliché, quoi. Vous pouvez pas vous battre pour du poulet. C'est... Si. Mais tu sais pas depuis combien de temps elles n'ont pas mangé. Mais si. Mmh. Tu. Ben toi, j'ai déjà mangé avec toi. Moi qui aime manger. Ton truc, c'est pas justement d'aller taper dans la barquette de la personne qui est à côté de toi? Oui, ça m'arrive. C'est normal. Mm-hmm. Tu vas pas te battre, machin, parce qu'il y a une fille qui aura fait la même chose que toi. Non, mais je veux pas trop qu'on tape dans ma barquette si la personne a la même barquette que moi, tu vois. Oui, mais si elle a déjà fini sa barquette. Ben elle peut s'acheter une autre barquette. Tu penses pas? Tu serais capable de... Pas me battre, mais je veux dire à la fille... Mais tu vas marquer ton territoire. Oui. Et si elle prend quand même le pilon de poulet sur toi? Bon, je vais pas me battre pour ça non plus. T'as vu la vidéo ou pas, toi, Nessie? Non, mais ça m'intrigue. Ah, mais c'est pour ça que tu dis ça, parce qu'elles ont pas l'air d'avoir besoin de manger, hein, les filles. Ah d'accord. D'ici là, il y a des breaking news dans la radio. On parle de quoi dans les breaking news? Alors, on va parler du poisson lion. Vous savez, ce poisson qui est délicieux, mais qui est extrêmement dangereux pour l'homme, qui peut d'ailleurs tuer l'homme. Ouais, il faut qu'il soit bien préparé. Ouais, bien préparé. On va parler également de Yahoo, de Facebook et de Kalash. Waouh, le programme est bien rempli. Un petit coucou à Wendy qui se connecte. Elle était en train de whiner sur les mix de Tijo Sound. Wendy, petite coquine. Bon, bah, on développe les breaking news dans un petit instant. D'ici là, bah, on va se caler VJ Ben. On s'est écouté déjà tout à l'heure, ça, non? VJ Ben tous les jours. Bon, bah, on va se faire un petit Calvin Harris avec Rihanna. C'est This Is What You Came For sur Trace. Trace FM. Génération 97. Limite 0820-203-200. Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Génération 9-7 sur Trace FM. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. So much, so much, so much things I did not say. I'm from Portmore, that's in J.A. We can do it on that beach there. Tick, tock, tick, tock, tick. Backshot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, you, what you say? Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. When you look back on you, I mean that doggy style, puppy whisper. My cocky so hot, it the fire fever. If you can't break it off, hasta la vista. Girl, affy, ava, pussy, power. Grab it, lego, quit, lower. Godo, lover, godo, goba. Tattoo, color, warm, summer. Millipi, wanna pump, pull up, silly pee. Call up, I'm all of my yalla bad. Silly dilly, bella best, fall up, fuck. Silly dilly, bella best, fall up, fuck. Backshot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Come post by your head, you're not dead. Wide out, like a sheet spread. Little 12 left decks that mush up in head. Cairo key, my third world girl instead. She civil, wicked, so she did it. Raman, parish, refer, body. Send her, cousin, comma, haddy. When me, done it, she a fit, said daddy. Millipi, walla pan, pull up, oh, silly pee. Call up, I'm all of my yalla bad. Philly dilly, bella best, fall a buck. Philly dilly, bella best, fall a buck. Backshot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Backshot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Le soir, tout est permis dans Génération 9-7. Et sur Trace FM, comme d'hab, il y a des cadeaux pour vous. 0820-203-200, il nous reste quelques places de cinéma pour aller voir le film de votre choix. Et il y a aussi des places pour Tarus Riley. Le lieu a été changé, tellement de places ont été vendues. Ce sera finalement à la ferme Perrine. Pour gagner tout ça, bah, il faut jouer avec nous. C'est de la question ouf qui débarque, Canessi. Oui, on va se demander pourquoi, selon la superstition, dit-on toucher du bois. Et on touche le bois automatiquement après. Il y a une vraie explication à ça, en fait. Oui. Une seule ou plusieurs explications possibles? On peut en tolérer deux. D'accord. Pourquoi dit-on toucher du bois? Si vous savez, si vous avez la réponse, vous repartez avec les cadeaux. 0820-203-200. Et en attendant, on passe au Breaking News. On développe un petit peu tout ça. Oui, alors on va parler du poisson lion, un poisson qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi? Pourquoi? Alors parce que je l'ai déjà goûté, il est très bon. Mais on m'a dit, tu sais que si tu le croises dans la mer, tu peux en mourir. Donc ça m'intrigue, tu vois. Pas simplement le croiser, il faut qu'il te pique. Oui, évidemment. Mais évidemment. Toi, tu as l'impression que forcément, la prochaine fois que tu vas aller te baigner, tu vas croiser un poisson lion et oui, il va t'attaquer. Non, mais il est très dangereux. Alors, j'énumère tout ce qu'on m'a dit au sujet de ce poisson. Ouais, vas-y. On m'a dit qu'il transforme tout le récif de corail en désert aride, c'est-à-dire qu'il nettoie tout sur son passage. Il tue des poissons quand même. Il fait disparaître plein de poissons. Et apparemment, c'est parce qu'il bouffe beaucoup. Voilà, il mange tout ce qu'il trouve. Voilà. Et il y a des gens, des écologistes, qui vont bientôt être assurés. Il y a une invention que j'ai vue. Voilà, ouais, un robot. C'est un robot tueur qui est équipé d'une caméra et pourra lancer une décharge électrique. Et il y a une étude qui a montré que le poisson lion ne se méfie pas du tout de ce mini robot. Et ça va jusqu'à l'électrocution. Et après cette électrocution, on récupère le poisson qui atterrit dans notre assiette. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et c'est ça qui te plaît. Oui. Va en falloir vachement des robots pour éradiquer le poisson lion. Ouais. Bah oui, mais bon, ça va. Hein. Tu sais, tu peux électrocuter jusqu'à 3-4 poissons dans la même surface. Ouais, mais ça risque pas d'en buter d'autres qui n'ont rien fait. Ouais, ils vont atterrir dans les assiettes aussi. Tout ouais. Simplement. Ok. Mais attends, tu envoies une décharge directement au poisson ou une décharge qui va tuer tout ce qu'il y a aux alentours? Alors, le robot va dans le banc de poissons de poisson lion. Ouais. Et il envoie la décharge, ça peut en tuer une dizaine d'un coup. Mais s'il y a un humain à côté, il meurt aussi l'humain? Ah alors. Non, je pense pas que ce soit suffisamment fort pour un humain. Je sais donc, pas. Quoi d'autre dans les Breaking News? On va parler des 500 millions de comptes d'utilisateurs de Yahoo qui ont été piratés. Les hackers, ils ont volé des informations personnelles telles que des dates de naissance, des numéros de téléphone, des mots de passe. Heureusement, il n'y a aucune donnée bancaire qui n'a été affectée. Bah ouais, mais les gens n'utilisent plus Yahoo, donc forcément, il n'y a pas de données bancaires. On va parler du patron de Facebook. Il promet de verser 3 milliards de dollars pour contribuer à la prévention, la guérison des maladies. Alors, le premier don qu'il a fait avec sa femme, c'est 6 millions de dollars qui va servir à créer un grand centre biologique à San Francisco où chercheurs et scientifiques travailleront de concert pour mieux étudier et comprendre les maladies. J'ai trouvé ça super que le patron de Facebook fasse quelque chose de bien. Ben ouais. Avec tout cet argent qu'il a gagné, qu'on lui fait gagner. On va parler aussi de Kalash tout à l'heure dans les Breaking News, si je dis pas de bêtises. Oui, il va comparaître devant la justice. Attends, le 28... on en dit pas trop. Ah, on en dit pas trop. Okay, juste un petit indice. Un problème de justice alors. Prison. Prison pour Kalash. Aïe, aïe, aïe. On voit ça, on développe ça juste après ça. Surface. Eh ben dis donc, on se fait plaisir là. Alors, toujours en vacances? C'est vrai qu'à ce prix-là, on s'y croirait. Chez Burger King, le menu Whopper Junior est à 4,20€. 4,20€? Voilà encore un peu de vacances pour ton porte-monnaie. Burger King, le goût est roi. Pour votre santé, bougez plus. Trace FM. Première radio musicale. Le samedi 1er octobre, Orange et Air Caraïbes présentent... Taurus Riley live at la Casa. Après 6 ans d'absence, le boss du reggae revient à la Casa pour un concert live unique, accompagné du Black Soy Bun et de la légende Dan Fraser. Taurus Riley live at la Casa. C'est le samedi 1er octobre 20h avec Europe Car et Coca-Cola. After concert by La Casa Love Sound System. Billets en vente, allmall.com, Gen 7 Baster, Copacabana Mool, Sport Action d'Estreland. www.trace.fm. Alors, cette rentrée? C'était une rentrée comme les autres, sans plus. Ah ouais? C'est marrant ça, parce que avec toutes les photos que t'as postées sur ton mur, ça avait plutôt l'air d'une super rentrée. Pour tout partager de sa rentrée, Orange vous offre deux fois plus d'internet mobile pendant 2 mois pour toute souscription à un forfait Play 2 heures et plus. Et en plus, en rejoignant Orange, profitez du Samsung Galaxy J1 à seulement 49€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre valable jusqu'au 19 octobre. Engagement de 12 mois. Détaillez conditions en boutique ou sur orangecaribe.com. Ensemble, luttons contre la drépanocytose. Préparez-vous au 5K McDonald's 2016 en participant au Zumba Party. Des entraînements gratuits avec les meilleurs profs de Lille, certifiés Trace. Venez danser, bouger, transpirer samedi 24 septembre, 16h30 au centre commercial Millénis aux Abîmes. Mercredi 5 octobre à 17h30 à l'esplanade du port à Basse-Terre. Samedi 8 octobre à 16h30 au McDonald's Montauban au Gosier. Dress code, sport exigé. En partenariat avec McDonald's, Trace FM, Trace Urban, Trace Tropical et Trace Sport Star. Plus d'infos, trace.fm. Jalousie, j'ai tué dans mon gueule ou pas ni pour confiance à dans moi. En bé pas été trop loin de vous, pas savent qu'en faire, mais ça pas rien. Sourire au carré de moi fou, en zé à en vraie tristesse à la tête. Bah, t'es, je comprends que c'est vous, qui t'es que fait moi marcher à l'appel. Mais si là est au rendez-vous, en qui parti avec ça pas rien. Ou j'ai essayé, mais ça pas la peine, pour qu'à vivre dans des mondes parallèles. Village à qu'à défiler, si moi, vêt en y pas ni encore. En t'es laissé ça tomber, et même si ouais, mais moi en l'eau. Vini, vini, oh wa, wow, moi, mon fou, à ça, yo pensé de nous. Vini, vlopé, ou un bras, moi, qui garde les saignes aux alentours. Parole, pas si content, moi, c'est avec un homme non, fou. Pas ça, sans fait par moi, paranoïa, là, ben, moi, tout. Vini, vini, oh wa, wow, moi, mon fou, à ça, yo pensé de nous. Vini, vlopé, ou un bras, moi, qui garde les saignes aux alentours. Et si ça t'est ni pour fin, girl, en pas t'es que regretter ailleurs. Sentiment, moi, touché limite, relation, en nous pas t'es ni valeur. Sous t'es rété ou en main, sous t'es rété en bas en main. Si on t'es rété seul, là, y'a de tout ça pas t'es qui fait. Problème t'es qu'à prendre tête en moins, vous-même à tout, on pas changé rien. Parole à yo, pas t'es pour moi, ou fait tort, ou moi-même en fait en moins. En vérité, en vrai, j'ai oublié. Flèche à Cupidon passé derrière, il pique et j'ai ou tout. Vini, vini, oh wow, moi, mon fou, à ça, yo pensé de nous. Vini, vlopé, ou un bras, moi, qui garde des saignes aux alentours. Parole, pas si content, moi, c'est avec un homme fou. Pas ça, sans fait par un, moi, paranoïa, là, ben, moi, tout. Vini, vini, oh wow, moi, mon fou, à ça, yo pensé de nous. Vini, vlopé, ou un bras, moi, qui garde des saignes aux alentours. Vini, vini, oh wow, moi. Développé en bras en moi. Parole basse si contre moi. Pas ça sans faire par en moi. Vini, vini au bras en moi. Vini, développé en bras en moi. Parole basse si contre moi. Pas ça sans faire par en moi. Tu as quitté l'école depuis au moins un an. Tu souhaites préparer le baccalauréat général ou technologique dans les filières L, ES ou STMG. Alors viens au micro-lycée de Guadeloupe pour retrouver le plaisir d'apprendre. Le micro-lycée de Guadeloupe, une structure de retour à l'école à taille humaine avec une équipe disponible et un enseignement adapté pour t'accompagner vers ta réussite. Information au 05 90 212 566 et 06 90 53 22 69. Le micro-lycée de Guadeloupe avec l'Académie de Guadeloupe, la région Guadeloupe, le lycée Carnot et Trace FM. Trace FM. Trace. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0820 203 200. Merde. 0820 203 200. Ah si, c'est ça. Génération 97. Ta radio va péter un câble. Génération 97. Big up T-Josson. Big bad DJ. We a sip the Henny for the day, baby. Bad man, we no stray, baby. Oops, I done fell for your way, baby. I know, girl, but I don't know about you, but disquette. Autour de quoi beaucoup parlons, bien combien disquettes. Moi je connais ta Sylvia, moi subtil la peine. Ni pour en raison bête, moi au lac on dit le bête. Zami en fin pas gagné, l'en comprenne qu'il y a un peu pas bête. Bon déjà elle est moins, non Zami en peu pas bête. Quand même maman capéré, plein souffle de caché à dans si wow. Guadoupe ça chaud donc ça dingue, à dans ce que t'as ni des fêles ni wow. A ma gambo combien grammes, il faut sentir ni en nouveau histoire. Ni fusil, ni couteau, ni sang, ni tout bon à crier. Ouais, maman, d'autres fois, j'ai qui s'y au pas loin. Ni piqui, ni portable, la magasin. Ni volé, bois, cache au pays tous les soirs. Mouvement illicite pendant plein mon en reçoit. Au paiement des bâches, fixe à monopoly. Qu'elle a commencé au roche qui paraît sa police. Tête la carré des verres, il pas caramoli. En veut pas cocaïne, en fait pas molly. Faut tout ça soit buté, devient un acte chronique. J'ai voulu ma chance avant la copine et l'héroïne. Ma jeunesse attention, le souffle qui m'émotise. La vague est là. Non, they get the memo. Nigga, I got this guy. My young bitches show respect, they call me Mr. Millions. Brown skin chick, yeah, she love to wear purple. Her nails purple, lips purple, pussy hair purple. Big titty Amazon and my black Benz. I'm a bitch, black man, got a couple white friends. Dream is a young man, dream. Cousin Libra with the then the GT switch to four lanes on the stove with the cool cut like propane. Ayy, on the block where the shots go bang. Only real nigga really gon' hang. All my life, you was saved by the bell, I was saved by the cook. Ayy, young boys with choppers, young boys with lawyers. We stand in the kitchen and whip out that whip, we whip out that whip out that whip, whip out that whip. All my life I hustle just to get that moolah and stack my change up and go see the jeweler. Stand in the kitchen and whip out that whip out that whip. Round round with that work, work. Strapped up with that Nina. Got two bad bitches with me. Molly knock with feel. Money don't mean nothing. Niggas don't feel you when they see it. My whole hood love me. But now a nigga wanna touch me. I ain't worried about nothing. Nigga, I ain't worried about nothing. Nigga, I ain't worried about nothing. Nigga, I ain't worried about nothing. Round round through each streamer, streamer. Nigga, I ain't worried about nothing, by nothing. I'm round round with that Nina. I'm round round with that AK, that HK, that SK, that beam on the scope. Window that blowin' smoke. Niggas front and be broke. Try rob me, gon' get smoked. That gun automatic, my car automatic. Ain't worried about nothing. Nigga, I ain't worried about nothing. Nigga, I ain't worried about nothing. Nigga, I ain't worried about nothing. DJ Sound, Big Bad. Then I go up before. Then I roll up, then roll up. Then I'm calling your whore. Ce sera très élégant. À envoyer sans moi, tu vas te casser les dents. Avant de le détruire, je laisse parler les gens. Je n'aurai jamais tourné bois. Je ne suis pas l'éléphant. Les mieux armés, calaches, musiques sont les violotés. J'ai quelques trempes dans l'eau. Je pisse du piloté. Crabé très noir, donc sombre mélodie. Mélodie. Écalibre entre son cérémonie. Foncé, je suis un peu parano. J'mets le bombe dans le jacuzzi. On te fait parler à la tronçonneuse. Roi dans le monde atomique. Carla René, joue de la gratte à Sarkozy. Petite marocaine, se tape à plus côté. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques modèles. J'ai ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques modèles. Les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Leurs règles ont toute une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Des allers-retours en prison, certains n'en reviennent pas. Du carrelage et des mouvements tous sous le même toit. Toujours d'humeur à l'élever, que l'avenir fasse mon troisième pas. Je ne t'aime pas ni celui qui est avec toi. Quand tu baisses ta dame, que je suis tout cœur avec toi. Oui. Big up TJ Son, big up One shot. Oh oh. Voici son la DJ qui n'a pas pour célébrer. Oui. Jusqu'à la moelle épinière, entière jusqu'au fond du trou du cimetière. Que sera demain bien meilleur qu'hier? Mon équipe est debout, faut que ta civière. Où t'écris, tu baffes, tu fais des chroniques. Rigole, je fais ces négros sont trop comiques. Jamais comme Swellen devant J.I.R. J'pense à l'exode de mon frère dans toutes mes prières. En Louis V et puis Fricadin. Villani, qu'on met qui pas d'un. iPhone 6, Vivadin. Bangou, mais puis Cicadin. Tu veux la moula, mais qu'est-ce que t'attends? T'es mauvais, t'es comme Satan. Ton avenir est décadent. T'as dû venir dans ta danse. Les négros, tu vois, pas par ton cul pour faire des sous. Attitude de fou. Ça bande mou, y'a rien en dessous. Les roses veulent comme un Mikado. Testez-moi en canimada. Ou c'est un migrateur. En cas triple qu'on rivalda. Escale à moi les pinières. Entier jusqu'au fond du trou du cimetière. Que sera demain bien meilleur qu'hier? Mon équipe est debout, faut que ta civière. Où t'écris, tu baffes, tu fais des chroniques. Rigole, je fais ha ha ha ha ha. Ces négros sont trop comiques. Jamais. Débiter sans fin, négo sans fin. Je me dirai jamais enfin. Comme un tapin, la nuit est longue, la clientèle a faim. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Me récomplante à faire. Anti est pas malsain, voyou dans mon casset. J'ai l'influence, je suis une pépinière. Ils volent mon flow, mon style, copie ma crinière. vais pêcher mon père. Je vais faire du paradis une soirée d'enfer. Jusqu'à la moelle épinière. Vrai-moi quoi jusqu'au fond du trou du cimetière. Que sera demain bien meilleur qu'hier. Mon équipe est debout, fuck à civière. Oh, des prix, tu baves, tu fais des chroniques. Je rigole, je fais ton négro est trop comique. Jamais comme Swellen devant J.I.R. Jamais comme Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. On a des cadeaux pour vous sur Trace FM dans Génération 97. Il y a de la question ouf. Si vous avez la réponse, vous nous appelez 0820 203 200 et vous repartez avec les cadeaux. Voici la question. Pourquoi selon la superstition dit-on toucher du bois? Et on touche du bois automatiquement après avoir dit la question. Tu as Brandon qui propose un truc qui dit ça vient de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Oui, il faut nous appeler hein, pour repartir avec les cadeaux. Ça aurait pu être la bonne réponse. Maintenant, si la réponse nous fait rire, tu as des cadeaux aussi. Sinon, vous avez vu, il y a Yannick qui nous a envoyé une nouvelle photo. Ouais. Alors, il est où cette fois? Bah, dans un avion. Il est dans un avion. Mais il a l'air super joyeux. Je sais pas où il va, mais il a l'air super joyeux. Tu trouves? Non, mais c'est ironique. Ah bon, parce que. On aurait dit qu'il est retenu par Al-Qaïda sur la photo. Si vous avez des infos, toujours 0820 203 200, on recherche Yannick. Si vous êtes habitué de l'émission, vous avez remarqué, il manque quelqu'un ici. Sinon, on continue les breaking news. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les breaking news, Nessie? Alors, Kalash, ouais. Il doit comparaître devant la justice le 28 septembre prochain et il va être jugé en fait par la cour d'appel de Paris pour acquisition et détention d'armes. Il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis en première instance. Et là, on va savoir à quelle sauce il sera mangé. Donc, c'est déjà une vieille histoire, en fait. C'est pas tout nouveau. C'est juste remis sur le tapis. Ça date de mai. C'était en mai, Kalash. Oui. Quoi d'autre dans les breaking news? La polémique, c'est surtout de savoir est-ce qu'il mérite ou pas de faire de la prison. Il y en a qui veulent en faire l'exemple, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, il y en a certains qui sont d'accord pour qu'il aille en prison parce que c'est pas normal qu'un artiste donne ce genre d'exemple. Et puis, il y en a d'autres qui pensent, en fait, que le juge a besoin surtout de se faire un nom, peut-être sur la carrière de Kalash et profiter du buzz, peut-être, qu'il y a autour de lui parce que ces mecs-là aussi font ce genre de choses. Hein. Ouais. Le chef d'accusation, donc, c'est détention d'armes, ouais, c'est ça. C'est chaud pour Kalash. Si vous voulez réagir, 0820 203 200 toujours. Les breaking news, c'est tout? Oui, alors on parle d'une invention très ingénieuse. Mon invention dont je parle depuis 2-3 jours. Dans les élevages, vous voyez, les poules, elles ont tendance à pondre un peu n'importe où. Elles sont pas très disciplinées. Et lorsque une poule pond n'importe où, l'œuf peut être endommagé. Donc il y a un couple d'éleveurs et un bureau d'études qui ont inventé le robot chasseur de poules. C'est un peu comme que des robots. Vous allez mettre des robots partout, les gars. C'est un peu comme le chien qui fait en sorte que le mouton reste dans le rang, tu vois. C'est vrai. Donc le robot mange pas la poule. Exactement. Alors le robot, il est alimenté. Ma grand-mère avait un chien. C'est pas ça qu'il faisait aux poules. Il faisait quoi? Il faisait la même chose qu'il fait sur ta chambre parce qu'il est content de te voir. Oh, quelle horreur. Alors le robot, il est alimenté par une batterie rechargeable. Il est guidé par des balises géolocalisables. Installé où les poules doivent pondre et le robot devrait sortir sur le marché d'ici un an. Donc si vous avez des poules chez vous, guettez le robot. Il récupère les œufs directement dans le... Non, il les récupère pas. Il fait en sorte que la poule aille pondre son œuf là où elle doit le pondre. Mais pas sur le sol, pas même le sol. Mais comment il fait pour savoir qu'elle a envie de pondre à ce moment-là? Il est là pour... Elle doit pas quitter l'endroit où elle est. Pas trop. Mais la pauvre bête va être stressée. Après les œufs, on va les manger. Ben oui, et on aura des maladies, mais bon, c'est... On va tous mourir. Voilà. Et sur Trace FM, restez branchés, tout à l'heure, on va appeler avec la voix de Kalash. On va pas appeler Kalash, ce sera le Hey Baby Allo, ça ressemble à ça. Allô? Hey Baby Allo. Allô? Hey baby, allô. Allô. Je vous dérange. Allô. Penses-tu à moi dans ton lit? La merde. Un nouvel appel tout à l'heure dans la génération 9-7, restez là. Jusqu'au 2 octobre, jouez avec Digicel pour tenter de gagner un an de cinéma ou un séjour à New York pendant la Black Friday du 25 au 28 novembre. Digicel vous offre le séjour et un chèque de 300€ pour vous faire plaisir. Alors rendez-vous vite dans l'une de vos boutiques Digicel pour jouer gratuitement et tenter de gagner ce séjour. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Jeu par tirage au sort gratuit sans obligation d'achat. Voir règlements et conditions en point de vente Digicel. Warcraft, le commencement. Notre planète recèle des mondes cachés. Notre monde se meurt. Nous sommes condamnés à partir. Des peuples que tout oppose. Pour les orques, la vie, c'est la guerre. Et qui doivent s'unir. Nous devons lutter ensemble. Warcraft, le commencement. Deux mondes, un seul destin. La saga la plus spectaculaire de l'année arrive actuellement au cinéma. L'amour, le désir, ça ne fait pas tout. Nous deux, au 97-300, nos experts te diront si vous êtes vraiment compatibles. Nous deux, NOUS 2, au 97-300, passerez-vous l'épreuve du quotidien? Une vie de bonheur à deux? Un instant de douceur et un adieu? Nous deux, au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS DGP. www.trace.fm. World Creole Music Festival revient avec Trace et Guadeloupe Première. La culture caribéenne vous donne rendez-vous du 28 au 30 octobre pour la 19e édition du Festival de la Dominique avec Econ, Popcorn, Wyclef Jean, Ophelia Chabanton, Morgan Heritage, Michael Anderson, Midnight Groovers, Crayola et le grand méchant Zouk. Au total, plus d'une vingtaine d'artistes. World Creole Music Festival. Du 28 au 30 octobre 2016. Un événement Guadeloupe Première et Trace. En partenariat avec le ministère du Tourisme de la Dominique. Info sur www.wcmfdominica.com et sur www.discoverdominica.com. Génération 9-7. La plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820-203-200. Mr. Officer. Yo, quand je cherche preuve, vous mettez ma ginger. Police t'a dit que mon café top 10. Et t'es pas de là. Parlez-moi, dis-moi, on y doit, c'est la peine. Chiche là, puis on fait plein, moi, là, je le compte plus mineur. Oh, 8h du matin, ouvre la porte. Brigade des chiens, mais y'a besoin de lock me up. Yo décidé que c'est moi qui vend up. Fouillez, courez, balle big lock. Montrez-moi photo, on pas connaître ça. Où j'a connaître, nous mettons pas des lances à la. Vous parlez pas les gars, j'ai à ta place. Pour mon frère qui l'a joué la fio. Mon badon parmi fio. Mon rêve c'est mettre le vel. Yo cabaye ton dépôt plein de gaffa. Pour mon frère qui l'a joué la fio. Dans la pompe fio. Mon rêve c'est mettre le vel. Je t'en prie, ton pique la radio cabaye ton dépôt plein de gaffa. Ça rabaye rendez-vous centre pénitentiaire. Yo si même à nous semi-liberté, permission, refusé, maudit, rien nous pas fait. Surtout là, yo talon est pour pousser. C'est bête à la cababo maltaine. Parfois bad by a carré dissopie. Surtout l'on pas guest tu pour la tête. Babylon les lacmia. Route qui passe, c'est si fait yo ton foca. Aba ici qui yo que jeune la drogue. Pas à rien qui ganja qui mou gasmat. Babylon. Yo tiens mes mots qui roulent pas. Mon marijuana fait garde à vue. Mon val de petit personne en plus. Il y a ta fireball. Il a posé tout stress. Et pas mon inspiration à plus. Tout côté yo font la street. Oui y'a un seul goût d'y pain. Différentes provenances pour ta convenance. J'aime la high grade et pas le foin. J'la brûle au réveil et toujours un avant de me coucher. J'en roule toute la journée. Litant au studio, c'est un rythme du tout chaque game. High different, oui t'es enchaîné. So we miss it, Babylon les lacs mia. Routes qui passent, qui veillent autant de fuck up. A pas ici qui yo qui jette la drogue. Pas à rien qui ganja, qui me casse ma. Fire bundle. C'est bien que toujours fait, ou pas j'en fais en patate. Si ou ka échoué, man, il a ouest. respond fi dat. E si man dwe ou te blot klat. Tout de mwen kat hipokrit faya bun dat. Faya bun dat. Se men ki toujou fe ou pa jwa fe an patat. Si ou ka echwe man mi la respond fi dat. E si man dwe ou te blot klat. Tout de mwen kat hipokrit faya bun dat. Kapo ba jekon rat. I toujou an ba fe ya yen y pa karate. Ou di bel fi di men l'esprit akad. Kou ri ple de ba tout moun paske man pa rate yo. Yo ba de asime akta yo. Yo kache yon lop plito di kase pa yo. Van servis moun kape mal do. Aten man ka vi di brile yo hipokrit. Faya bun dat, faya bun dat. Se men ki toujou fe ou pa jan fe yon patat. Si ou ka echwe man mi la respond fi dat. E si man twe ou de blot kla. Tout de men kat hipokrit. Faya bun dat, faya bun dat. Faya bun dat. Koute mwen bien ti bay sou bizwen mwen se paye. Non chifre, ok gade. Sou pa kontan se touffe. Apre fache, se de fache. Apre te mal pale. Di se mwen ki mauvais. Si jodi pa ou anvi de mes gens. Petet se trop gentil, ok yeah. Sa ka fe l'anne. Travay pa pou nan jasoué. Si sa yo klache. On laisse avec ma passe. Me ba efface. Fok, ta la bien place. Ben, ben, ta la chose dit tout chagé. J'voulais réussir ma vie sans toucher l'illégal. Dans un monde sans paradis fiscal. J'voulais réussir ma vie sans toucher l'illégal. Dans un monde sans paradis fiscal. Poto c'est la merde dans mon esprit. Je sais même pas comment vous le décrire. Ça m'a fait mal de voir des potos partir bêtement comme Raphaël d'un coup de couteau. En ce moment j'suis pas d'humeur à faire la fête. S'il te plaît crois pas que le buzz m'est monté à la tête. J'aime pas les histoires, j'préfère les éviter. Mais j'aime beaucoup les litrons quand ils sont débités. Et j'ai pris du niveau depuis que j'ai débuté. Le jour de mon enterrement vous serez tous invités. J'ai remplacé le PM par le OG. J'ai même arrêté de crier comme ça c'est OG. Tu vois que le buzz d'argent est le succès. Mais est-ce que tu connais mes soucis? Arrêtez de croire que tout va dans ma vie. J'ai perdu mon maman, j'ai trop mal à la tête. Mamacita de la Rosa. Une jolie beauté comme Rosa Acosta. Verre de rosé, un pas de côté. D'un coup mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peu près. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie, avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton tchaout. J'ai fait des fois dans ma vie, mes hobbies, mon parcours. Je serai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Big Bad D. prazer gigante. Sou a mulher melancia e rebola todo instante. A velocidade 5 ensinei para vocês. Agora eu quero ver a velocidade 6. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Leque, leque, leque, leque. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante. Quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho. Pra geral se amarrar. Ele é muito maneiro. Qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro. Pois nas comunidades esse passinho já estourou. Dança até titia, vovó e também vovô. Mas preste atenção, agora vou te ensinar. O passinho, o volante, pra você também mandar. Leque, leque, leque, leque, leque, leque. Girando, girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro lado. Leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro especial bem, em homenagem às mulheres. Pra aquelas que senta, pra aquelas que desce. Novidade especialmente em homenagem às mulheres. Pra aquelas que senta, pra aquelas que desce. Quero ver todas as mulheres no tal de um mexe, mexe. Que mexe, que mexe, mexe. Que mexe, que mexe, mexe. Que mexe, que mexe, mexe. É um tal de um mexe, mexe. Que mexe, que mexe, mexe. Que mexe, que mexe, mexe. Que mexe, mexe. É um tal de um mexe, mexe. Escuta o chip que eu vou mandar esses. Quero ver todas as mulheres. Esse é o passe que tá na moda. Olá! Jossão, Big Bad DJ. Oh, oh, esse é o passe que tá na moda. Essa dança é maneira, é febre em todo lugar. Quando tu dança uma vez, não consegue mais parar. Federado e o Lelé que tá trazendo a nova moda. Esse é o passe maneiro, é o passinho do Dinoca. Dinoca, Dinoca, Dinoca, Dinoca, Dinoca, Dinoca. Vem, esse é o passinho. Eu tô estressado e ele fica com gracinha. Hoje eu tô revoltada, eu vou pro cabaré junto com a mulher. Eita louca! Vou dormir lá embaixo, na casa dos machos. Pode ter certeza que lá eu me acho. Eu vou dormir lá embaixo, na casa dos machos. Pode ter certeza que lá eu me acho. Verdade, Ibrahimovald, Ibrahimovald. Ibrahimovald, Cavanil, La pour tout dit allégrio. A du moula cana pour tout dit allégrio. Doucement. La pour tout dit allégrio. A du moula cana pour tout dit allégrio. Dans la trace radio avec des cadeaux pour vous. Si vous débarquez au 0820 203 200, il faut trouver la réponse à cette question. Pourquoi, selon la superstition, dit-on toucher du bois? Il y a une véritable raison à ça. Il y a Claudia qui nous rejoint. Salut Claudia. Salut. Hello Claudia. Salut salut, comment tu vas? Les gens m'ont ruiné mais ça va. Ouais. Ah, c'est la période. Alors, tu penses avoir la bonne réponse. Tu penses que c'est quoi la réponse, toi? Selon moi, cette superstition remonte au Moyen-Âge. Selon les chrétiens, ils disaient que c'est par rapport au Christ qui avait été crucifié sur une croix en bois, en fait. Donc, de ce fait, en touchant du bois, c'est une façon de faire une prière pour se protéger de la bienfaisance et des choses du genre, quoi. Bon, bon, mais c'est pas logique. Le gars a été crucifié sur une croix. Vous avez touché ça pour que ça vous porte bonheur? Une croix en bois, ben oui, mais c'est justement pour se protéger de la vérité, parce que c'est oui. Genre, il a été crucifié pour les péchés et tout, donc c'est lui qui protège, genre. Alors, c'est l'une des premières explications, effectivement. Il y a une deuxième que l'on peut donner. Ah donc, vas-y, on t'écoute. La réponse est bonne en partie. C'est quoi la suite de la réponse, Nessie? Il n'y en a pas un qui veut la trouver. Pas un seul. Tu as des réponses sur le web, j'ai vu tout à l'heure. Oui. Tu as Wendy qui pense que ça vient de l'Égypte. Exact, c'est ça. Alors, l'origine du geste viendrait des Égyptiens. Qui pensait en fait que le bois diffusait du magnétisme. Donc il y a deux explications, il y a les chrétiens effectivement qui touchaient du bois par rapport au Christ, mm-hmm. et les Égyptiens. Voilà. D'accord, mais on valide quand même la réponse de Claudia. Bien sûr. Bravo Claudia, bah, je te mets de côté deux invitations pour aller voir Tarus Riley à la ferme Périne, ok? Ok, super, merci. Gros bisous Claudia, tu rappelles quand tu veux, vous aussi ça se passe au 0820-203-200. On cherche toujours à savoir où est Yannick. Il a disparu depuis hier soir, on n'entend plus sa voix. Where is Yannick? On a des auditeurs qui ont peut-être la réponse. Il y a Timiki qui est là. Salut Timiki. Salut. Yo. C'est toi qui chante là, tu appelles d'Haïti. Comment? C'est toi le chanteur Timiki? Non, quand même pas. Coupé au parleur, coupé au parleur. Comment? Coupé au parleur, on t'entend mal. Ou la radio derrière toi. On attend, on attend. Ah. Timiki, dis-nous tout. Est-ce que tu as vu Yannick? Je l'ai pas vu, mais je suppose savoir où il est. Alors, il est où? T'es pas habitué à ce petit délire sur la radio? Ouais. Je pense qu'il sera à la Dominique. Maman, qu'est-ce qu'il fait jusqu'à la Dominique? Vas-y, va au bout de ton hypothèse, j'ai envie de savoir, moi. Non, mais vous savez, avec le PM de meuf. Il a été déjà par rapport au festival. Le festival? Mais ça commence pas tout de suite. Ouais, c'est pas maintenant le festival de la Dominique, hein. Oui, mais c'est un gars, mais va tout se préparer. Ouais. Peut-être, on va vérifier ta théorie. Pourquoi pas? S'il y a une fille là-bas qui l'attend, forcément, oui. Ça peut se faire. On va vérifier ça. Ok, bah merci Timiki, on va se pencher là-dessus. Il y a Audrey aussi qui nous rejoint. Salut Audrey. Salut Audrey. Salut. Alors pour toi, il est où Yannick? Je pense avoir reconnu le bateau, je pense qu'il est à Margalante. Ah, pour toi c'est un bateau. Ah ouais, la photo qu'on a postée sur le Facebook. Hein. Pourquoi pas, on n'y a pas pensé en fait. Je sais pas, alors tu parles de quoi toi? Donc pour toi, il est à Marie-Galante. Par rapport au siège, je sais pas. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un avion quand même. Ouais, on dirait quand même un avion. Et même l'indication des toilettes, là, ça ressemble pas aux toilettes sur le bateau. Hein. Mais en même temps, vu sa tête, vu la tête de Yannick, je sais qu'il a du mal à supporter la houle là, sur ces bateaux-là. Ouais, peut-être. Donc, Yannick à Marie-Galante. Ouais, pourquoi pas. On va venir voir la photo, hein, si vous l'avez pas vue, c'est sur le Facebook Trace FM. On l'a mise aussi sur le Facebook Génération 97. On a encore quelqu'un qui nous rejoint du côté du standard. Et la réponse est encore plus précise. Elle s'appelle Naïma. Salut Naïma. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Où est Yannick? On m'a dit que tu as la réponse. Alors, Yannick, il est en Guadeloupe, plus précisément au Gosier. Au Gosier. Et comment tu sais ça? Oui. Ouais, au Gosier, oui. Parce que, on va dire que je le connais un peu personnellement et je peux affirmer des sources sûres qu'il est au Gosier. Comment ça? Tu as des photos, tu as des preuves? Il a dormi chez toi cette nuit ou quoi? J'ai pas sa photo, mais je peux l'apprendre s'il le faut. Mais après, j'ai pas besoin de prendre une photo pour pouvoir justifier ce que j'avance. Donc, tu es en train de sous-entendre qu'il y a Yannick avec toi là. On peut dire ça comme ça. Il est chez toi c'est en fait. Ça que tu le comprends. J'ai pas compris. Yannick est chez toi? Si tu le prends comme ça, on peut supposer ça. Non, il n'y a pas d'histoire de ça. Il est avec toi, il est pas avec toi, il est avec ta maman, il est avec ta soeur, ta cousine, avec ta grand-mère, en fait... il est avec qui chez toi? Attendez, je vous explique. En fait, le souci, c'est que Yannick, il a, on va dire, une peine de cœur. Il se sent pas très, très bien. Donc, il est venu en Guadeloupe pour oser se ressourcer parce qu'il n'a pas de soutien de son équipe. Non, mais donc, Yannick, c'est bout de quoi, voilà. Il a pâti en côté. Il est resté là, c'est tout. Oui, mais vu qu'il n'a pas votre soutien, donc il avait un peu mal, donc il a décidé de prendre un peu le large. Et il est allé se ressourcer chez toi? Oui, oui, on peut dire ça comme ça, si tu veux, il est chez moi. Pourquoi chez toi? Quel genre de bienfait tu lui apportes? Quel genre de bienfait que je lui rapporte? Ben, peut-être je suis quelqu'un de sa famille, ou voilà. Non, je connais la famille de Yannick, tu n'es pas de sa famille. On connaît tous ses cousines. Qu'est-ce que Yannick aime chez toi qui peut lui permettre de se détendre? Mais je sais pas, la mer, le soleil, le vent. Mais vous avez ça partout, hein? Ah bon? Il y a ça en Guyane, il y a ça en Martinique, il y a ça partout. Il y a ça Marie-Galante. Non, Guyane, l'eau est boueuse, elle est noire. Elle n'est pas boueuse, mais je t'interdis. Et puis déjà, c'est pas de la boue. Alors, je t'interdis de dire ça, déjà, c'est pas le cas partout. C'est pas de la vase non plus. Pas de préjugés sur la Guyane, s'il te plaît. Mais si Yannick est avec toi, est-ce que tu peux me passer Yannick? Passe-lui le téléphone. Mais non, il ne veut pas vous parler. En plus, lui, en train de manger, donc ça se fait pas. Ouais, Yannick en train de manger, c'est possible. Donc on va laisser le gars au calme manger et tout, et puis vous allez rappeler demain, et demain s'il le faut, je vais vous passer Yannick. Qu'est-ce que tu lui as fait à manger? Qu'est-ce qu'il aime à manger? Mmh, du lambi? Ben, il fait pas à manger tout seul, Yannick c'est un grand garçon. Hein. Mmh. Ah donc tu l'accueilles chez toi, mais tu lui offres rien à manger quoi. Il fait comme chez lui, chez toi. Ben attends, faut pas trop demander quand même. Je l'offre déjà mon hospitalité, donc voilà. Pendant qu'on parle de ton hospitalité, il dort où là? J'ai pas compris. Il dort où? Esbuga Kadomia Kabanao. Mais vous posez beaucoup de questions. Moi je peux bien sûr. Ça fait 24 heures que le mec a disparu, forcément on va poser des questions. Ben, faites une déclaration à la police, je sais pas. Donc voilà, si vous inquiétez tant pour lui, faites une déclaration à la police. On peut pas encore, c'est 72 heures. Ok, ben attendez, de toute façon il va revenir, ne vous inquiétez pas, il se repose, il est fatigué et tout. Tu vas me relâcher. Peine, donc, oui, t'inquiète, je vais m'occuper de lui. On a Sassou qui dit sur Twitter que Yannick a fait 6 points apparemment avec toi. Il a fait 6 points sur toi. Mais quelle est la nature de votre relation? J'ai pas compris. La nature de notre relation, mais quand il va retourner, il va t'expliquer ça très bien. Mais non, mais toi tu es déjà là. Je veux l'entendre de ta bouche. On est à l'antenne, j'ai pas envie d'étaler ma vie privée comme ça. Mais bien sûr que oui. Je garde un peu d'intimité pour moi quoi. Non, tu es déjà là. Vous rendez compte, vous affichez la vie du gars. Hey, tu as affiché ça toute seule. Non, je vous ai juste dit, les envois de vous poser, et vous qui cherchez à fouiller. Voilà. Magical Chris, son nanan doit être bien sucré pour que Yannick laisse son poste comme ça sans prévenir. Alors oui. Magical Chris, il s'est trompé sur ton nanan ou pas? Non, je pense pas, il s'est pas trompé. Donc ton nanan est sucré. Sûrement, probablement. Bah oui, non, mais c'est quoi ça? Elle ne peut te dire ça que par rapport à ce qu'on lui a répété. Ouais. Elle a pas goûté son nanan. J'espère. Tu es souple. Bon, bah du coup, après l'émission, on passe chez toi. Oui, il n'y a pas de soucis, vous êtes tous invités. On pourra goûter le nanan ou pas? Non, par contre, non, faut pas. Yannick est déjà sur le plan, donc faut pas. Ah d'accord. Ah ben voilà. C'est confirmé alors. Tu confirmes alors? Ouais, on va dire ça comme ça. Comme vous voulez tellement savoir les choses, donc je t'en détends. Hein. Et il compte revenir quand, Yannick? J'ai pas compris. Toi qui sais tout. Quand est-ce qu'il revient? Il a une émission à tenir. Hein. On va pas faire ça toute notre vie. Hein. Sans lui? Donc, je sais pas, bon, je pense dans 2-3 jours, il va revenir, je sais pas, le temps qu'il se reprenne. Le temps du week-end, 2-3 jours, elle a dit. Pourquoi, il vous manque tant que ça?

Full steel with the lead, my girl. Full steel with the lead. Full steel with the lead, my girl. 100%. 100%. 100%. Alright then. The way how you move that body incredible. Me love how you keep it steady too. Yeah, me see all the thing them way you do. Me love how you share that jelly too. Baby girl, and more get with you. You know, so me just not this you. Baby girl, call me love how you fit too. Me love it when you ride it. Me turn up inside it. Me turn up your pride it. And turn up the night when me glide it. Me ride it. Me turn up inside it. Me turn up your pride it. And turn up the night when me glide it. Every day when me see her, me have a big sense. And you don't know shot of what I represent. Every day me have a gift 100%, my girl. Full steel with the length, with the length. Full steel with the length, my girl. Full steel with the length, with the length. Me love it when you ride it. Me turn up inside it. Me turn up your pride it. And burn up the night when me glide it. Me ride it. Me turn up inside it. Me turn up your pride it. And burn up the night when me glide it. I'm young and I'm rich, young and I'm rich. I got hoes, nigga, I got hoes. In different area codes, I think I'm Nate Dogg. Started from the ground, I'm that nigga now. I stay with the loud, can you hear me now? And my bitch cold, she a sinner fool. Put her on a stand, and she never told. Order the like an athlete, huh? Shawty crunk drunk, fucking up a new Louboutin. If I let her in my Mazda, she might be a trending topic. Therefore, she gotta ride it, bust it, pop it, blase, blase. Been spending your rent, and I'm still blowing big faces. Qualification, you already know the program. The world round the town, they say you're a monster. A monster, why now, why now? So then the good girl, get on it, get on it, get on it, get on it, get on it, get on it. Wind up your waist, girl, get on it, get on it, get on it, get on it, get on it, get on it. Wind up your waist, girl, get on it, get on it, get on it, get on it, get on it, get on it. Wind up your waist, girl, walk it on it, walk it on it, walk it on it, walk it on it, walk it on it, get on it, get on it. One dog, yeah, you got one more. Walking up, that ass. Girl, you look so great. Girl, Trace FM, Génération 9-7. Génération 9-7. C'est fait pour toi. Sur Trace FM, il peut y avoir du double hit à n'importe quel moment pour repartir avec votre paire de Air Max. Il faut guetter ça. Enchaîner à ça. Cet hit enchaîné à Yuji, c'est le signal, faut appeler 0820-203-200 et pour retentir un petit peu plus tard dans la soirée. D'ici là, on va appeler les cocoteurs tout à l'heure, on va appeler une lesbienne, elle s'appelle Moulfrit. Je l'ai chauffée comme d'habitude toute la journée, on l'appellera en live tout à l'heure. Il y aura aussi du Hey Baby Allo, ça consiste en quoi Sabri le Hey Baby Allo? Ben Kalash vous appelle tous les soirs, 0820-203-200, vous laissez votre numéro et Kalash vous rappelle. Ouais, si vous avez des potes à piéger, ils peuvent adorer Kalash, ils peuvent le détester, nous on a envie de s'amuser, donc on les appelle. Et ça donne des trucs plutôt chelous des fois. D'ici là, on a du canular en préparation avec Evric. Allô Evric. Keshi, tu peux appuyer sur le bouton? Evric, comment vas-tu? Ça va. Alors, on a essayé de faire un canular avec toi hier soir, mais la personne n'a pas décroché. Du coup, tu nous proposes de piéger carrément ta copine, c'est ça? Ouais. Comment elle s'appelle, ta copine? Elle s'appelle Rachel. D'accord. Yoshi, tu as pensé à un scénario? Ben, j'avais pensé à récupérer le scénario qu'on avait fait hier, mais en le poussant un peu plus loin. C'est-à-dire? Rappelle déjà celui d'hier. Alors, parce qu'il était déjà au bord de la falaise hier. Tu le pousses. Le scénario d'hier, ça consistait à se faire passer pour une agence de mannequinat, mais une agence de mannequinat étrangère, en ayant des critères bien précis. Quel genre de critères? Eh ben, des critères comme on n'a pas l'habitude d'en voir dans les médias. Par exemple, lui disant que pour pouvoir être accepté, en fait, il va falloir ne pas se raser pendant plusieurs mois. Ah, d'accord. Par exemple. Chelou. Tu penses qu'elle va réagir comment, Evric, ta copine? Elle va péter un câble. Sérieux, péter un câble carrément, juste parce qu'on lui dit ne te rase pas. Elle est très précieuse, précieuse. D'accord. On a le numéro de téléphone de ta copine. Ben on l'appelle. La vraie vie de ce semaine, c'est que je fais souvent des accidents. Ouais. Je suis plutôt peur de la faire quand j'ai fait un accident. Ah ouais, ça c'est le canular méchant. Mais c'est toi qui l'as proposé, donc on y va. Okay. Je sais pas, tu es sûr de ton choix, Evric? Ouais. Bon. Tu as quoi comme voiture? Une Golf. Et tu aurais fait ça dans quel quartier, l'accident? Les gars, vous savez, on va échafauder le scénario. On va revenir dans un petit instant. On fait quoi? On fait du Hey Baby Allo? Ok. C'est parti, tu composes le numéro, Keshi. On appelle qui, Sabri? J'ai pas son prénom. Ok, on y va quand même. C'est Kalash qui vous appelle tous les soirs. Lâchez vos numéros, n'hésitez pas. 0820-203-200. Allô? Hey baby, allô? Vous dérange? Non. Je n'ai pas pu me retenir, je sais. D'accord. J'ai toujours ton numéro. Tu le connais comme ton nom, tu vas le faire? On m'a dit que t'as un enfant. Effectivement, il s'appelle pas, c'est une fille, il s'appelle Lina. Hey, hey, baby, j'suis tellement désolé. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle? Penses-tu à moi dans ton lit? L'espoir. C'est le secret qui te fait gémir. Oui. Ah, j'ai des dossiers sur toi. J'ai des dossiers sur moi. Hey baby, allô. Allô. Ben c'était tes 2 minutes de bonheur. J'espère que tu as bien profité. Maintenant, il va falloir payer 15 euros la minute. On l'a perdu. Ah, faudra la rappeler celle-là. Le soir, no limit. Il y a pas de limite. Pour mon friend qui l'a genre la frio, mon vado pas mi frio. Mon rêve c'est mettre le vel à ton prédit, ton pique la radio, cabaye ton dépend plein de gaffa. Friend, il a la frio, la pompe, il frio, man.

tu ne le vois pas. Je suis fatiguée d'être ta roue de secours. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu m'appelles que pour faire l'amour. Je suis pas une teinte déjà. Si je pars, je ne plus demi-tour. Alors s'il te plaît, dis-moi. Sont ces moments où j'ai des tableaux magiques. Je perds mon cœur sans toi, moi. J'ai tout misé sur toi, moi. En mode saoulé quand tu fais le MG. Mais me respecter, c'est te respecter. Mon cœur se bat dans tous les sens. Si le tien est en guerre, on n'a aucune chance. On est avec Evric. Il veut piéger sa copine. On va faire un petit canular. Evric, t'es toujours là? Oui, toujours. Alors, l'idée, c'est quoi? Tu veux lui faire croire que t'as eu un accident, c'est ça? Ouais. Quel genre d'accident? Voiture, moto? Voiture. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans l'accident? Qui appelle? C'est toi qui l'appelle pour lui dire que t'as eu un accident ou quelqu'un appelle à ta place? C'est quoi? Moi, je vais. Ok. On compose le numéro de téléphone. Ouais. Yoshi, t'avais pensé à un autre truc. Il y a des loulous qui sont... en fait, il a fait un accident avec des loulous, c'est ça? Exactement, ouais. Des jumpy. Jumpy, comme on dit. Qui lui mettent un peu la pression et le ton commence à monter. En fait, ils veulent de l'argent pour réparer leur voiture, quoi. Exactement. Et de l'argent en ticket restaurant. C'est quoi ton truc, là? On appelle la copine d'Evric. On passe en mode canular sur Trace FM. Comment elle s'appelle ta copine? Rachel. On l'appelle Rachel. répondant n'est pas joignable. Ouh, tu penses qu'elle fait quoi? Elle répond pas au numéro inconnu? Oui, d'habitude, oui. Non, mais on va réessayer, t'inquiète. Réessaye, sinon je te donne le numéro de fixe. Ouais. Cependant, n'est pas joignable pour le moment. Ouais, donne-nous le numéro de fixe hors antenne, Evric, s'il te plaît. Bah, je te donne le numéro de fixe. Ouais, attends, quitte pas. On va rappeler dans un petit instant, 0820-203-200 si vous avez des idées pour le canular, si vous avez des personnes à piéger vous aussi de votre côté. On vous attend aussi sur les réseaux sociaux, hashtag G97, hashtag TraceFM, ça c'est sur Twitter, sur Facebook on s'appelle TraceFM, sur Instagram on s'appelle TraceFM, et sur Snapchat c'est TraceFM97. On va appeler les cocoteurs aussi tout à l'heure. Ce soir j'ai essayé de le faire avec une meuf, donc je me fais toujours passer moi pour une meuf, mais j'appelle en fait une lesbienne, elle s'appelle Moulfrit. On va faire ça tout à l'heure, d'ici là on appelle Rachel, c'est la copine d'Evric, on est en mode canular sur Trace. Allô? Allô bébé? Oh, c'est toi. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, sur mon téléphone, bien sûr. Comment? Tu peux me rappeler sur mon téléphone, s'il te plaît. Ok. On rappelle? On va appeler sur son téléphone portable. Le gars est soumis, frère, le gars est soumis. La chouta a déjà répondu, tu dis ok, je te rappelle sur ton téléphone portable. Bon, il y a des mecs avec qui je viens de faire un accident, mais c'est pas grave, je te rappelle sur ton téléphone portable, c'est logique. C'est pour te mettre à l'aise, doudou. Ouais, faut que tu lui montres l'urgence de la situation, tu lui dis il y a un truc très grave qui vient de se passer, toi, bon, ta santé n'est pas en danger, t'as eu un accident, mais les gars qui sont en face de toi, ils sont pas cool du tout, et ils veulent que tu répares leur voiture. Allô? Allô bébé? Allô? Dans la voiture. Allô? Dans la voiture, tu baises! Allô? Oui, allô? Oui bébé? Allô? Oui? Ok, c'est toi? J'ai fait un accident, bébé. Pour qui? Pour qui? J'ai fait un accident avec des gens là. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Mais vous êtes téléphone, t'as un petit peu! Pour qui? Non, non, attends, bah, c'est qui? Avec qui tu parles? On est un petit peu d'actrice, c'est Francky. C'est moi, toi, tu as appelé délinquant? Non, déjà, premier, j'ai jamais délinqué personne. Ouais. Aïe. Maman, ta copine est sauvage, elle a raccroché, Evric. Si tu dis à moi, c'est que t'as fait un accident, elle a raccroché. Elle a peur. Elle a peur, tu penses? Elle a peur, elle raccroche, c'est logique. C'est normal. Elle a eu peur. Mais oui, elle a eu peur. Bon, Doudou est en danger, je raccroche sur lui. On recompose le numéro de téléphone. C'est l'amour. Dis-lui surtout de ne pas raccrocher. Bah ouais. Que si elle raccroche, c'est fini pour toi. On a Magical Chris qui te dit faut que tu sois beaucoup plus convaincant. Ah bah ouais. Oui, bon, vous êtes bien sur la messagerie de Marie. Oui, elle a peur, c'est normal. Tu es sûr que c'est ta copine? Elle te laisse dans la merde tout seul. Elle s'inquiète vraiment pour toi. Elle est pas très courageuse, ta copine. J'ai besoin de retourner avec mon ex. Appelle sur le fixe. Bon, attends, mais je vais appeler avec mon numéro parce que je crois pas qu'elle parle du fond. Non, reste là, on recompose. On appelle sur le portable. On a braqué ton téléphone. Et on t'a prêté le note pour que tu puisses appeler la chou pour qu'elle puisse venir. scénario. Réponds oui. Oui. Son nom n'est pas joignable pour nous. Injoignable. On va te péter. Si ta chou répond pas, on va te péter. Tu crois que c'est un canular? C'est pas un canular. On a ton numéro, on va savoir où est-ce que tu habites. On est des fous. Répondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un message. Envoie-lui un WhatsApp, dis-lui de répondre à ton appel. Genre, elle voit pas que le gars appelle. Dis-lui que c'est urgent. Ta vie en dépend là, hein. Tu as besoin qu'elle vienne te chercher. Elle conduit ou pas, ta copine? Non. Elle vient à pied, m'en fous. Oui, j'attends. Bébé, c'est maman et un baby, là, tu vois. Bébé. J'ai fait un accident de dernier temps là. J'ai vu que tu m'as appelé, mais j'ai pas mis à faire sur moi. Bébé. Mais rappelle, tu vas me rappeler demain. Hein? J'ai un problème. J'ai rien compris. Je suis dans un problème là. Je comprends rien. Je t'ai dit, je suis dans un problème, je viens de faire un accident. Oh. J'ai fait un accident avec des délinquants là. À moi tu appelles délinquants. Bébé. J'ai fait un accident avec des délinquants, je t'ai dit. Je suis pas délinquant. Et tu peux demain ou pas? Comment? Sinon, on parle de ça pour finir avec ça. Tu vas m'en prier. Là, je vais mettre la poubelle. Tu vas, comme j'ai oublié mes écouteurs, tu vas m'appeler. Pour marcher. Oui, mais là, j'ai un problème, bébé. Hein? Je suis dans un problème. Je t'ai dit, j'ai fait un accident avec des délais. Evric. Ta copine s'en fout de ta gueule. Elle s'en fout de toi, mais d'une force. Ah ouais. Non, c'est compliqué. J'ai fait un accident avec des délinquants. Tu veux pas me rappeler demain? Elle n'a rien à faire. Non. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, Evric? Ça va aller à faire presque un an. Ah ouais. C'est l'amour fou. C'est l'amour fou. Là, franchement, ça fait pas mal de ma gueule. Est-ce qu'elle a bien compris ce qu'on lui a dit? Je me demande. Ah non, mais demain je vais tomber des rêves. Ah ouais. Bah attends, tu bouges pas, tu raccroches pas, on la rappelle dans un petit instant, on va rappeler Rachel, on va essayer de mieux lui expliquer la situation. Pour qu'elle ne te dise pas je te rappelle demain. Voici Major Lazer sur Trace. Génération 9-7. Génération 9-7. La libre antenne des auditeurs. La parole. Trace FM. Écoute. Coldwater. Encore une découverte Trace. Le nouveau hit de Major Lazer avec Justin Bieber. Coldwater. C'est la nouveauté Trace FM de la semaine. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Trace FM t'a joué à l'instant. Trace FM. Coldwater, le nouveau hit de Major Lazer avec Justin Bieber. C'est la nouveauté Trace FM de la semaine. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Soir. Exprime-toi librement dans Génération 9-7 sur Trace FM. Trace FM. Magistral Beats. FM, on va passer tout à l'heure au sexe confessionnal. Qui c'est qui s'en charge? C'est Tikam ce soir. Ouais, c'est Tikam. Vas-y, prends un micro, tonton. Voilà, je suis là. Nous parler de quoi? Une histoire perso, un truc que t'as envie d'aborder? Je vais parler d'une histoire qui m'est très proche. Donc c'est une amie qui m'a raconté ça. On dit toujours ça. Je préfère pas dire que c'est moi parce que c'est assez lourd comme histoire. Assume, vas-y. Ouais. Dis-nous un petit indice. Disons que c'est une pratique sexuelle commune chez certaines personnes qui est très particulière. C'est un peu sale et un peu beaucoup sale. C'est quelque chose qui se passe par derrière. Voilà, c'est quelque chose qui se passe par derrière et qui peut passer par... Au niveau de l'évacuation. Du système d'évacuation, ouais, c'est un réception de ce qui est évacué. Voilà. C'est comme une petite gouttière, ouais. Et c'est quelque chose que tu aimes bien. Non, ça va pas. Non, c'est une mésaventure, disons. T'es un peu une fausse sceptique, mon gars. C'est mais on t'aime quand même, hein, même si c'est toi. Il n'y a pas de souci, on en parlera tout à l'heure. D'ici là, on fait un petit appel au cocoteur. On appelle ce soir Moule Frite. Elle est lesbienne et je vais me faire passer pour Sarah. C'est moi qui l'appelle. C'est parti. Allô? Allô? C'est Sarah? Oui, comment tu vas, Moule Frite? Ouais, tranquille. Tu fais quoi? Ah ouais, tu es cash, tu es direct, toi. C'est pour essayer de te connaître. Alors, mais vas-y, dis-moi, parle-moi de tes fantasmes. Mes fantasmes, ils sont un petit peu bizarres. Ah bon? Pourquoi? J'aime beaucoup sucer les gros orteils. Ah, ouais. Effectivement, c'est un peu bizarre. Et ça te fait quoi? Je sais pas trop, ça me met en transe. Ah bon? Moi aussi, j'aime bien sucer. C'est vrai? Ouais, j'aime bien sucer les coudes, les genoux, les lobes d'oreilles, les petits culs aussi. Un gros orteil, j'aime bien croquer les petites peaux avec mes dents. Ok. Très intéressant tout ça. Et quand je fais ça, ça me fait frissonner. Ah oui, c'est un peu comme si on caressait mon point G. Oh là là, vas-y, prends-moi encore. Est-ce que tu pourras mettre ton gros orteil au fond de moi? Ah ouais, je te le mets tout profond si tu veux. Ah, ça t'excite aussi? Ah ouais, j'adore. Ah ouais, j'adore. Ah non. Papy, c'est pas ce que tu crois. Mais non. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Le soir. Exprime-toi librement dans Génération 9-7 sur Trace FM. Hey girl, hey girl. Big up DJ, big bad DJ. Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, bend over. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back. Girl, who you a ramp with? On a game. Anytime you're ready, girl. Let me name. The place get wet like in a rain. Gonna make you feel high like on a plane. She say I saw the love, the act. Baseline sweet and I touch the spot. Dancing, she love to that. Girl, touch the track. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Girl, you know you got the glue. Tell me never see a girl like you. You wanna see a she a ice and wine. Pine up your body for me one more time. Ice and wine, girl. Your skin smooth and your look so refined. Ice and wine. Love how you flow, how your waistline. You're not sour like a lime. You're not chucky like a pine. Girl on your bad so, girl on your can wine so. Like you're there upon a whining mission. Girl, you must come from the Caribbean. Girl, how you shape good, so. Hey, girl, how you sexy, so. Girl, you lay up on a whining nation. You must come from the Caribbean, baby. She a whining vixen, call her that. Every man want her, she's her that. Reputation good, she's not her lot. And me like her a lot. When you go on your hand, girl, how you call that? You a flight attendant or pilot. Wind up your body to some Charlie Black songs. We love you 'cause you ice and wine. Wind up your body for me one more time. Ice and wine, girl. Your skin smooth and your look so refined. Ice and wine. Love how you flow, your waistline. You're not sour like a lime. yeah, yeah. Y'all do no chooky chooky like a vine. Bump like a coach and you're whining. Look fine, your bump for all you're whining. You know all on, out of whining. You know all on, so every girl just vibe it. Vibe it, vibe it. Vibe it, vibe it. Vibe it, vibe it. Young boss, hey, you ready? Let's see where y'all vibe it. Let me see you vibe it. Y'all bring your back. Let me see you just vibe it. Stick it on top. Let me see you just vibe it. Push it right back and let me see you just vibe it. So girl vibe it. Let me see you vibe it. Girl bring your back. Let me see you just vibe it. Stick it on top. Let me see you just vibe it. Push it right back and let me see you just vibe it. Girl vibe it. Just like a blackberry cone. Sit down on it like chair at the home. You bad, you rough, you no scared like clown. So girl bust a wine on any girl man. Who do, who bell, my girl you program. You stress fit, you no hold that in your hand. So when the song play, girl, you know what I want. If you don't look, listen to the instruction. Vibe it, let me see you vibe it. Girl bend your back, let me see you just vibe it. Stick it on top, let me see you just vibe it. Push it right back and let me see you just vibe it. So girl vibe it, let me see you vibe it. Girl bend your back, let me see you just vibe it. Stick it on top, let me see you just vibe it. Push it right back and let me see you just vibe it. Girl vibe it, let me see you whine it steady. If you really really bad, do a 640. My girl, you bad, so back it up on me. And vibe it, a bad girl you be, now vibe it. Let me see you whine it steady. If you really really bad, do a 640. My girl, you bad, so back it up on me. And vibe it, cause a bad girl you be, so girl vibe it. Let me see you vibe it, girl bring your back. Let me see you just vibe it. Stick it on top, let me see you just vibe it. Push it right back and let me see you just vibe it. So girl vibe it, let me see you vibe it. Girl bring your back, let me see you just vibe it. Stick it on top, let me see you just vibe it. Push it right back and let me see you just vibe it. So girl vibe it, just like a blackberry phone. Don't want it like chair at the home. You bad, you rough, you not scared like them. So girl, but so why not any girl, man? Who is it? Who is it? My girl, you know them. I'm just gonna you know who that you know. So when you saw the girl, you know what I want. Remember say you want the food in my plate. How you love me indicate and it is so concrete. And we never lose faith, we're making you my soulmate. Check this one straight, say are you married? No matter how they fear, they can take you any date. You want me everything, everything, everything. No human to me, you mean everything. To me, you je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour des saints pétaraclis. Icône est voué à l'enfer. L'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à bombage, je fais grave dans l'escalier. Président, dans le haut j'ai vu Lyon qui vaut tes plans. Munga, munga, munga, ouais. Munga, munga, munga, je sers. Du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de pas l'hiver. Je veux pas de câlin, je suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô. Je vais strass pour trans au WC. En LV totalement pété. Je rentre coke dans les poches. Comme petit frère, pas à l'école. J'suis dans ma bulle, bulle, bulle. Oh shit, le shit. Le shit, le shit, pull. Sans sur le pull, sans sur le pull, pull. Oh la la, oh la la, dégage ton boule, dégage ton boule, boule. Oh shit, ton mal, mon bien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, pour les miens. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, le monde ou rien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, moi ça me convient. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tu sais, riche ou pauvre. Au fond c'est la même, les mêmes comptes à rendre devant tout puissant. J'essaie de garder la foi, en transe des mots.

she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some. Elle est partie en courant, elle a, mais je sais même pas si elle a repris ses affaires ou quoi, mais t'imagines, le mec il est tout nu avec du caca partout sur son corps et lui dit mais fais-moi dessus encore. Non mais c'est des pratiques qui sont pas. Non mais ça s'appelle la scatologie. Oh, scatophilie. Scatophilie. C'est pas une science. La scatophilie. Du latin, faire caca sur soi. La scatophilie. Ah mais je suis écœurée. Donc en fait on se pose la question sur Tinder, ce serait bien d'avoir les petites pratiques sexuelles. Oh. Ce serait intéressant de savoir quand même avant d'arriver au bar et de savoir que ton mec il t'a pour mis cocher, un statique dans le cocher, ouais, ouais. Ça préviendrait de pas mal. Il devrait y avoir des cases, des catégories. On serait prévenu quoi. Et ouais, les filles, faites toujours gaffe à ce que vous buvez. Hein. Ah oui, il faut faire attention. Surtout un premier rendez-vous. Regardez votre verre, etc. Mm-hmm. Faites gaffe. Bon, elle est traumatisée. Bah, c'était sympathique cette petite histoire. C'est une histoire sympa. Hein, ouais, super sympa. Ah, ah oui. Ça a mis sa bride dans tous ses états. Cette période de gastro, ouais, ouais. C'est tout pour nous, mais on se retrouve demain, même heure, même antenne, ici même sur Trace FM. Bonne soirée, à demain. It's about that time. What time is it? She no go mind. Boy, would you give me some? Give me some more. Shorty gave me then she call me redheaded, sleeping with a girl next door. And when she came, she said she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some. Shorty wanna rock. Shorty wanna Shorty said ketchup, make you give me back shot. Shorty wanna rock. Shorty wanna ketchup, make you give me back a yeah. Bam bam banana, bam banana, banana, bam bam banana, bam banana, bam. Banana pam pam banana pam pam banana pam pam pam pam pam banana pam pam banana pam pam banana pam pam pam pam pam banana pam pam banana pam pam banana pam pam pam. Shorty gave me then she called me redheaded, sleeping with a girl next door. And when she see me she says she

cela de nous-mêmes. Notre amour ne tient qu'à peine sur un fil dont on ne voit pas le bout. Tout est si flou. Oh.